Mon enfant, je commence à me faire bien vieille et tu devrais penser à te marier. Celle que je te conseillerais de choisir, c'est celle qui te porte ma lettre. Il vaut mieux que je ne sois pas là. Et la réponse? Je reviendrai la prendre avant mon départ. Il n'y en a pas de plus gentil. Il n'y en a pas, surtout qui t'aime davantage.